Samedi 23 novembre 2013, aujourd'hui au Grain de Sable d'Attaque Québec, nous parlons d'aide au développement international avec M. Mathieu Papillon-Darvaux, directeur général de NAFTI Fondation Canada, en première partie d'émission, puis de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics avec M. Sylvain Lelièvre de l'ACF du Nord de Montréal, en deuxième partie d'émission. Le Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Attaque Québec, d'ailleurs, qui tenait son assemblée générale annuelle ce matin à Montréal. S'il y a des gens, des membres qui étaient à l'assemblée et qui nous écoutent présentement, j'en profite pour les saluer. L'aide au développement international est-elle menacée de disparition au Canada? C'est ce dont on va parler avec Mathieu Papillon-Darvaux après ce qui suit. C'est pas des fariboles, vous vouliez un symbole? Courir est une chose, marquer en est une autre. Jouer voilà le mot, si possible avec les autres. J'exprime la vie qui vaut quand lui souffle dans le dos. Et j'ajoute un dicton. Chasser le naturel, il revient au ballon. Vite! Le prime écrit retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grand, il retentit dans un stade. Et si voilà lui, on pose une candidature. Et toi sur le terrain, tu vas chercher une écriture. Le ballon, c'est ta plume, ta paille le bitume. Tu es comme une fable, toi le lion redoutable. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Nous on choisit celui qui régale et rigole. Cameron! C'était Cameroun de Zeb Da. Bonjour Mathieu Darvaux, Papillon-Darvaux, bonjour. Bonjour. J'imagine que le football était un sport aussi populaire que le hockey au Cameroun. Tout à fait, c'est le sport national au Cameroun. Là. Oui. C'est, même les enfants vont jouer au soccer un peu n'importe où dans les rues. Ça peut dégager des passions comme parfois ici. Tout à fait. Oui. Contente de vous recevoir à nouveau au Grain de Sable. Le directeur général de NADVI, NAFTI, Fondation Canada que vous êtes, doit être quelque peu inquiet de l'avenir du développement international. Je me trompe? Bien, écoutez, on parle ici beaucoup de coupures au niveau fédéral, c'est-à-dire par les politiques du gouvernement conservateur. C'est sûr que présentement, ça aide pas du tout le monde de la coopération internationale, tant au niveau du Canada anglais qu'au niveau du Canada français. Donc oui, ça, c'est inquiétant. On ressent présentement là, très durement les effets des politiques qui ont été mis en place il y a à peu près un an et demi de ça. Cependant, on espère bientôt un changement de gouvernement qui pourrait peut-être remettre les choses à leur place comme elles se devraient d'être. Vous n'êtes pas le seul organisme, disons, davantage social qui espère un changement de gouvernement à Ottawa. On va y revenir d'ailleurs sur cette inquiétude, sur la question de l'aide financière fournie par le gouvernement fédéral. Un mot d'abord sur NAVTI. Vous aviez expliqué ce que vous faites lors de votre passage en avril dernier. Peut-être nous le rappeler pour le bénéfice des auditeurs qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là. Oui, avec plaisir. Dans le fond, NAVTI s'est donné pour mission d'être un organisme de coopération internationale qui peut faire avancer l'éducation, promouvoir la santé et aider au développement économique. Pour l'instant, on intervient précisément au Cameroun, en Afrique centrale, et on réalise notre mission par quatre secteurs d'activité ici au Canada. Donc, la coopération internationale, on va faire de la recherche de financement pour des projets de développement au Cameroun, comme j'ai dit. On a un projet de parrainage d'enfants orphelins et fragilisés. Donc, on est toujours à la recherche de marraines et parrains pour ces 30 $ par année. C'est pas un montant énorme, effectivement. Non, tout à fait. Les projets qu'on a pour l'année prochaine, c'est surtout des projets de création de coopératives, une en agriculture pour le développement d'une ferme de volailles communautaire et l'autre pour le développement de l'égalité femmes-hommes. Ouais. Donc, on travaille beaucoup sur des projets d'économie sociale sur le terrain au Cameroun aussi. Ouais. Petite anecdote en passant, j'avais lu il y a peut-être 2-3 ans un article qui m'avait vraiment mis un peu hors de moi, c'est que l'Europe, je sais pas si elle le fait encore, mais elle inondait littéralement l'Afrique de poulets produits en quantité industrielle, ce qui tuait finalement les petits producteurs locaux là, de poulets. Vous connaissez la célèbre boutade de l'humoriste Yvon Deschamps, Les Unions que ça donne? Non. Ah, c'est une boutade que les gens de mon âge connaissent. Qu'est-ce que ça donne finalement ce que vous faites? Qu'est-ce que retirent les gens que vous aidez? En fait, c'est sûr que le parrainage pour ce qui est des enfants, ça va leur permettre de recevoir une éducation continue, donc de rester sur les bancs de l'école. C'est sûr que bon, c'est des enfants orphelins fragilisés à la base, donc qui viennent surtout de familles d'agriculteurs. Si la famille a pas d'argent pour soutenir l'éducation, ils vont préférer les retenir sur la ferme pour travailler. Mais ça, pour leur éducation, pour leur avenir, c'est pas ce qui est la meilleure des choses. Je pense que les projets d'économie sociale qu'on a sur le terrain, c'est des projets qui regroupent les gens de même expertise comme les producteurs de volailles. Ça permet de développer leur renforcement de capacité par des formations aussi de techniques agricoles plus modernes. Ça permet de vendre au niveau régional là-bas leur volaille, pas juste dans leur village immédiat. Donc, ça permet beaucoup de renforcement de capacité aussi. Et j'avais pas mentionné les trois autres secteurs qu'on avait aussi. On a les stages internationaux, on a la sensibilisation du public et le commerce équitable. Pour ce qui est des stages internationaux, on fait affaire avec l'Université Laval. On envoie à peu près 12 jeunes par année entre 21 et 35 ans. C'est sûr que pour ces jeunes-là, c'est très formateur. C'est une expérience terrain concrète. Ils vont aller enseigner dans des écoles. Ils vont aller côtoyer les producteurs d'une coopérative de producteurs de café. Donc, en même temps qu'appuyer ces gens-là, d'en apprendre un peu sur la gouvernance, comment ça fonctionne là-bas et tout ça. C'est très formateur pour ces jeunes, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais comparément à un cours de 45 heures en classe, je pense que 2 mois ou 3 mois sur le terrain, on apprend beaucoup plus. On est confronté à la réalité des choses. Tout à fait. Ouais. Puis les connaissances vont au-delà du stage tel quel, des tâches du stage. Ouais. C'est quand même un milieu de vie pour ces gens-là pendant 3 mois, donc ce qui fait d'autant plus l'expérience enrichissante. Oui. Tous les gestionnaires devraient faire ça, d'ailleurs. On travaille avec des humains, finalement. Je parle de gestionnaires parce que peut-être que certains de ces jeunes-là, éventuellement, vont se ramasser à un poste de gestion de projet ou de gestion d'équipe ou de quoi que ce soit. Tout à fait. Tout bon gestionnaire dans le milieu de la coopération internationale devrait être allé au moins une fois sur le terrain pour connaître ses réalités, comment ça fonctionne. Vous y êtes allé vous-même, hein? Oui, tout à fait. En 2007, j'ai passé 5 mois en stage. En fait, c'est un peu là qu'a commencé à débuter NAFTI. Ouais. Donc, j'étais chargé de projet à la prévention du VIH-SIDA. Donc, j'allais enseigner dans les écoles, rencontrer les différents groupes sociaux, des regroupements de femmes, des regroupements de personnes en agriculture et tout ça pour faire l'éducation à la prévention du VIH-SIDA. NAFTI est présente au Cameroun avec d'autres organismes d'ici, j'imagine? Pour l'instant, non. On a un partenaire sur le terrain. En fait, on a des partenaires tant au nord qu'au sud. Au sud, on est partenaire avec NAFTI Fondation Cameroun, qui est l'organisation avec laquelle on travaille. Mm-hmm. On est également partenaire avec la grande coopérative de producteurs de café qui compte environ présentement 200 familles de petits producteurs. Et qui font du café équitable, faut le souligner. En fait, le café n'est pas certifié tel quel équitable présentement, mais nous, on les appuie dans leur démarche d'obtention. Mais il l'est, on peut dire qu'il l'est, au fond. Oui, tout parce à fait. Il n'y a pas d'exploitation de... Tout à fait, car ça ne veut pas dire qu'un café est nécessairement équitable parce qu'il n'y a pas la certification. Ah, donc, c'est parce que la certification, c'est une grosse étape, c'est de la logistique, c'est beaucoup d'argent. C'est important d'apporter la nuance, parce que c'est pas parce que les gens n'ont pas le label équitable que le produit... Ça ne veut pas dire qu'ils respectent les normes non plus du commerce équitable, exactement. Parlons de vos sources de financement maintenant. Quelles sont-elles? Écoutez, nous, c'est notre 5e anniversaire. J'en profite pour l'annoncer. C'est notre 5e anniversaire à partir du 26 février 2014 prochain. On va sortir d'ailleurs une programmation spéciale tout prochainement. Donc, on est une jeune organisation quand même en émergence dans la ville de Québec. Et on n'a pas eu accès jusqu'à maintenant aux subventions tant au niveau provincial que fédéral. Donc, mais là, présentement, on a travaillé très fort dans les dernières années sur la reconnaissance de notre statut d'organisation de coopération internationale, ce qui est fait. On est maintenant un membre en règle de l'ACOSI, mm-hmm. qui est l'Association québécoise des organisations de coopération internationale. Qui a organisé les GQSI en passant, hein, tout qui, à fait. Qui viennent d'avoir lieu. Tout à fait, qui viennent tout juste de terminer, là, pour, c'était la 14e édition, si ma mémoire est bonne. On avait reçu Magali... Magali Lefebvre, qui était la coordinatrice qui travaille à Carrefour Tiers-Monde. Oui. Donc, présentement, donc, nos sources de subvention, c'est vraiment les donateurs, les parrainages, les dons individuels, les syndicats, les communautés religieuses, les fondations. On a d'ailleurs une fondation qui nous appuie dans un projet annuellement, depuis 2 ans maintenant, qui est la Fondation internationale Roncalli. Mm-hmm. On est en attente, on espère que notre projet, justement, de ferme de volaille soit accepté de la Fondation Louise Grenier. On devrait avoir la réponse dans les 2 prochaines semaines. Ah, c'est intéressant, ces fondations qui soutiennent Tout les à initiatives fait. À l'étranger. Mais ça en prend, parce que, justement, on parlait de coupure du fédéral tantôt, c'est eux qui nous permettent de continuer notre mission sur le terrain, dans le fond. Parlons-en, justement, de ces coupures du fédéral. Il y a l'ancien premier ministre Joe Clark qui a été, pas tellement longtemps, premier ministre, mais qui était conservateur. Mm-hmm. Et, donc, ça prend d'autant plus de relief ce qu'il a dit le 13 novembre dernier. Il a dit que le gouvernement Harper donne trop d'importance aux questions militaires et économiques au détriment de la diplomatie et du développement international. Que pensez-vous en ce qui concerne... Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne l'aspect développement international? En fait, je dis vous, mais je sais que vous vous êtes réunis avec d'autres organismes cette semaine, je crois. Oui, bien... J'imagine que vous avez eu un écho de tous ces gens-là. Bien, dans le fond, si je parle en mon nom, moi, je suis totalement d'accord avec sa déclaration. Le côté coopération-développement est totalement délaissé par Ottawa. C'est un peu la vache à lait, en fait, du gouvernement fédéral. Puis, les effets de la politique Harper, on l'a vu, l'ACDI n'existe plus maintenant. Elle est fusionnée avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, la coopération est comme intégrée à côté de la défense. Donc, la logique n'est pas tellement... Il n'y a pas tellement de logique dans cette logique-là. En fait, il y a pas d'argent qui sort d'Ottawa depuis un an maintenant. On a su dernièrement qu'il y avait un surplus quand même important qui n'avait pas été dépensé dans le budget qui était supposé être l'ACDI. Donc, voilà, ça aide pas les organisations, ça fragilise vraiment le mouvement actuellement. Juste au Québec, on est 69 organisations de coopération internationale. Et bon, on va avoir une assemblée générale spéciale de la COSI justement le 13 décembre prochain à Montréal. Et on est face à cette réaction-là du gouvernement fédéral. On est en train de développer un projet qui est l'Agence québécoise de solidarité internationale. Oui, je voulais qu'on en parle, justement. Oui, Le fond, c'est un peu une réponse à la destruction de l'ACDI. Ça fait longtemps qu'on en parle à la COSI, ça fait peut-être 2-3 ans de tout ça. Mais récemment, le ministre Lisée, avec le directeur général de la COSI, M. Gervais Lheureux, est allé faire un voyage en Afrique de l'Ouest. Dont il a visité quelques partenaires avec les ONG présentes québécoises. Et dans le fond, suite à son voyage, il a déclaré qu'il voulait avoir finalement une agence québécoise de solidarité internationale. Donc, on est bien content de tout ça. Mais quand même, c'est un sujet qui est à débat. Il y a beaucoup de consultations avec les ONG, le ministère et la COSI présentement sur comment doit fonctionner cette agence-là, quelle gouvernance elle va appliquer, l'enveloppe, parce qu'il doit quand même avoir un engagement de financier de la part du gouvernement. Mm-hmm. On peut pas avoir une agence sans fonds, ça sert à rien. Donc c'est un sujet chaud présentement dans le monde des ONG de solidarité internationale. Oui, et s'assurer effectivement, vous dites l'enveloppe c'est important, mais c'est important aussi que ce soit pas seulement pour un an, pas seulement chaque année. Tout à fait. Il faut que ce soit sur plusieurs années, parce que sinon oui. des organismes comme le vôtre qui ont des programmes qui s'étendent sur plusieurs années. Oui. L'objectif, finalement, c'est d'essayer de vraiment aller jusqu'au bout d'une démarche dans un pays qui fait en sorte que les gens, après, sont autonomes, n'ont plus besoin, finalement. C'est un peu ça. C'est sûr que notre travail à très, très, très long terme et le fait qu'on soit plus là, on veut quand même... c'est une aide au développement qu'on c'est a ça, pas. Oui, oui. Mais si on n'a pas de moyens de le faire présentement, c'est les deux parties, autant au nord qu'au sud, que ça fragilise aussi. Ce qui vous inquiétait, on s'en était un peu parlé avant l'émission, c'est oui. que finalement, l'aide au développement semble être de plus en plus dirigée vers l'aide au développement de marché pour les entreprises d'ici. C'est ce que je crois comprendre. En fait, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je crois qu'une aide au développement, ça doit être pour aider les gens là-bas. Et non que ça soit rentable nécessairement pour le pays. Oui. Et même les pays, le G7 s'était mis d'accord là-dessus dans les années 70 et il y avait une résolution qui avait été passée pour que 7% du PIB des pays membres du G7, ce budget-là, ce pourcentage-là, aille à l'aide au développement international. Mm. Bon, est-ce que ça a été fait? Ça, c'est une autre question. Oui, c'est le premier ministre canadien, d'ailleurs, Lester B. Pearson, qui avait eu cette idée-là. Oui. Et c'est un vieux débat, ça. Oui. Est-ce que ça doit aider les entreprises du pays qui aident ou ça doit aider vraiment les pays Ce que le gouvernement un peu nous force à faire, c'est de développer des branches lucratives présentement dans nos propres organisations qui veulent à la base. On s'entend, on est deux organismes de bienfaisance quand même, à la base, qui aident, qui font des projets au développement. Donc, on n'a plus le choix de développer des petites activités pour aider à s'en sortir, mais c'est pas toujours facile. Oui, je comprends. Si je prends un exemple, NAFTI, nous, on a l'équitable au boulot qu'on développe de plus en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité, dans le fond, où on va dans les entreprises les matins, on sert café équitable, muffins, bananes, tout ça. Oui, les gens doivent être contents de vous voir arriver. Ben c'est sûr que c'est une activité qui est encore en développement. On a fait quelques entreprises. On a fait Serge Poulin, opticien. On a fait la conférence régionale des élus dernièrement. Puis normalement, les gens, quand ils nous voient arriver avec les muffins, sont bien heureux. Ouais, nous, ça bien, nous permet ouais. de... Quelle bonne idée. Ça nous permet de sensibiliser les employés de l'entreprise au commerce équitable. Puis en même temps, c'est une petite levée de fonds pour nous. Donc, c'est un moyen qu'on a trouvé là pour créer du revenu dans l'organisation. Ouais. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir? En fait, je suis un peu partagé, ouais. Dans le sens que l'Agence québécoise de solidarité internationale, je pense que c'est un beau rêve présentement. Mais est-ce que le parti présentement au pouvoir qui est en train de vouloir mettre ça en place, de vouloir en faire un projet de loi, est-ce qu'il va rester assez longtemps pour que ça passe au Parlement, dans le fond? Ça, c'est une question. Mais donc, je reste quand même prudent. Aussi, il y a le fait que, oui, d'accord, les coupures des conservateurs font très mal au milieu de la coopération internationale présentement. Mais bon, NAFTI coordonne avec l'AMI qui est durable aussi la quinzaine du commerce équitable de Québec. Et oui. Je dois dire que avec M. Raymond Côté puis Annick Papillon, les deux députés du NPD fédéraux qui sont à Québec, on a un appui à 150% d'eux. Donc c'est ça que s'il y a un changement de gouvernement, j'imagine que cet appui-là va continuer là à ce niveau-là. Ben. Donc oui, j'ai de l'espoir. On a de l'espoir, mais quand même l'espoir prudent. Écoutez, on vous souhaite que ça s'améliore et on se souhaite que ça s'améliore parce que l'aide internationale c'est quand même important. C'est ce qui permet, dans certains cas, des pays de développer et de devenir éventuellement des pays émergents. Et puis, mais tout à fait. Puis, au Québec, présentement, c'est 45 ans d'expérience, d'expertise en solidarité internationale. Ouais. Donc, des ONG, 69 ONG à travers la province de Québec qui travaillent avec des partenaires locaux dans les pays du Sud depuis des années, des années, des années. Et que là, ben les politiques d'un peu, ça effrite les relations, ça crée des froids. On a des histoires. On a fait une étude à la COSI l'année dernière. On avait des histoires de stagiaires canadiens du programme Québec sans frontières qui s'étaient fait refuser de se faire servir dans un bar parce qu'il y avait un drapeau canadien de coller sur leur t-shirt ou leur manteau. Donc quand on parle, c'est les coupures, c'est aussi le désagrégement de l'image du Canada dans les pays du Sud qu'on a acquis depuis les 45 dernières années. Ah, c'est triste. D'ailleurs, ça me fait penser à un reportage de Sophie Langlois, je vais te dire, là, de Radio-Canada, qui disait cette semaine, elle est aux Philippines, hein, ils ont été très, très durement touchés. Et c'est important l'image du Canada à l'étranger parce que, la première chose, quand elle a dit à des gens qu'elle venait du Canada, la première chose qu'ils lui ont dit, c'est « Oh, pauvre de vous », et elle faisait allusion au maire Ford de Toronto. Alors, non, mais c'est quand même important, la réputation et l'image, parce que c'est vous, finalement, qui en subissez les conséquences quand vous allez à l'étranger. Puis, c'est un peu les questions de nos partenaires qui nous reviennent aussi. On attendait des chèques, sont où, les projets sont en stand-by, qu'est-ce qui se passe? Ben, on essaye de leur expliquer que nous, c'est la même situation un peu. Donc, c'est ça que c'est beaucoup de pression pour les gestionnaires ici, là, qui attendent des nouvelles d'Ottawa qui sortent pas, là. Bien, merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Papillon Darvaux. On va vous souhaiter une bonne rencontre le 13 décembre avec les autres organismes québécois et souhaitons que les choses se mettent en place pour que vous puissiez poursuivre votre œuvre à l'étranger. Mais merci beaucoup de votre accueil. Merci, au revoir. Au revoir. On va poursuivre avec I Am, c'est l'homme qui fait l'homme. Fatigué des malades, petit homme Aya, était un gentil jeune homme. Dans son quartier, il vivait chez son vieux père. On l'appelait Shinto, il était vraiment riche. Ses affaires, c'est Thomas qui gérait ça. À la maison, c'est lui qui faisait tout. En un mot, il était ce bon petit. Shinto, très enjaillé, a ouvert un casse pour lui. Mais à une condition, il devait lui rembourser. Thomas a suggéré, il lui a remboursé son jeton. Petit à petit, il a ouvert notre kiosque, il a ouvert 10 kiosques, il a ouvert 20 kiosques. Attention, il est devenu puissant. Après les kiosques, il a ouvert de grands maquis. ensuite une boîte de nuit. Il est devenu deux fois puissant. Malgré tout, il était reconnaissant. Voyant le succès de son petit, au lieu d'être fier, Shinto est devenu aigri. Partout il passe, on ne parlait que de son petit. Même dans le quartier, on ne jurait que par Tomaye. Shinto a oublié que c'est l'homme qui fait l'homme. Je sais que c'est grâce à toi, j'ai gagné ma vie, yo. Je sais que c'est grâce à toi, j'ai gagné mon pain, oh. Il est directeur, c'est grâce au ministre. Il est secrétaire, c'est grâce au directeur. C'est pour te dire, c'est l'homme qui fait l'homme. Grâce à quelqu'un, on devient quelqu'un. Richard, you ballo me, allez, you mola, yo, you ballo, allez, you ballo me. Maestro Yubanomia. Je sais que c'est grâce à toi, j'ai gagné ma vie. Comme tu m'as fait, laisse-moi m'épanouir. Ainsi donc, je vais faire d'autres. Dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent. Mon sauveur, ainsi va la vie. Il est doulache, c'est grâce au passager. Il est chauffeur, grâce au doulache. Il est balanceur, c'est grâce au chauffeur. Le bout est dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Et non, ce n'était pas I Am, ce groupe marseillais de rap. Je vais mettre sur notre blog le groupe qui chante « C'est l'homme qui fait l'homme ». Je n'ai pas devant moi présentement, un groupe africain évidemment. On va poursuivre l'émission « Le grain de sable » d'Attaque Québec après ces quelques publicités de nos commanditaires et on va s'entretenir avec Monsieur Sylvain Lafrenière qui est conseiller budgétaire à l'ACF du Nord de Montréal sur la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. À tantôt. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amoureux? Le Chichio Café et l'opineur du chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'opineur du chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'opineur du chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Le 25 novembre, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les créateurs de votre radio et prendre connaissance du travail accompli durant la dernière année. En tant que membre, c'est l'opportunité de vous exprimer quant à l'avenir de CKRL. L'Assemblée générale annuelle de CKRL, le 25 novembre, au Centre culture et environnement Frédéric Bach, 870 avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de votre radio favorite. Avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec mes citoyens, nous pouvons bâtir la ville de demain. Ici Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Et Régis Labeaume, maire de Québec. Avec les ressources nécessaires pour s'en sortir, ça aide. Pour une personne sans abri, un toit, un repas, une main tendue peuvent faire toute la différence. À la Maison de l'Aube-Rivière, votre don peut changer une vie. Soyez généreux. Détails à l'aube-rivière.org. Collaboration Desjardins, Caisse du Centre-Ville de Québec. Les productions Groove Psychotique présentent le Chelsea Beat. À grands coups de garage, yéyé et freak beat, ces pionniers de la scène underground montréalaise viendront présenter leur premier album, Mesdames et Messieurs. Pour ouvrir le bal, le groupe Les Revenants, qui eux défendront leur album Bête Lumineuse avec des sonorités surf, rockabilly et western spaghetti. Ça se passe le samedi 30 novembre au bar coop L'Agité, 251 rue Dorchester, ouverture des portes 20h, spectacle 22h tapant, 10$ l'entrée. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. Nous sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. CKRL qui tient son assemblée générale annuelle le 25 novembre, comme vous avez pu l'écouter pendant la plage publicitaire. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Sylvain Lafrenière est conseiller budgétaire à l'ACIF du Nord de Montréal, un organisme communautaire non gouvernemental sans but lucratif spécialisé dans les domaines du budget, du crédit et de la consommation. Monsieur Lafrenière, bonjour. Bonjour. Monsieur Lafrenière, je lis sur le site de l'ACIF du Nord de Montréal que la mission de l'ACIF est de placer l'économie au service du social et non le contraire. Avant d'en venir à la coalition opposée à la tarification de la privatisation des services publics, expliquez-nous comment vous réalisez votre mission. De bien des façons qu'on le fait. On peut le faire autant au niveau individuel que collectif. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que conseiller budgétaire, c'est sûr que notre priorité, c'est regarder les budgets des gens et essayer de trouver leurs solutions face à leurs problèmes d'endettement. Par contre, c'est sûr que ces situations-là ne sont pas qu'économiques. Souvent, il y a une histoire en arrière de ça. Fait que ça nous met en lien avec plusieurs autres intervenants, souvent, pour voir à d'autres aspects du problème plus personnel ou quand c'est une séparation de couple ou des fois des problèmes, un endettement lié, par exemple, à une dépression ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un aspect plus individuel, je dirais. Et autant au niveau collectif, nous, c'est pas juste faire un budget, on regarde toute l'entièreté de la société aussi, puis la société de consommation, donc on questionne aussi différents volets qui sont pas juste économiques. C'est dans ce sens-là qu'on tient cette vision-là de mission. Vous êtes membre de l'Union des consommateurs, c'est ça? Vous faites partie de l'Union des consommateurs? Oui, nous, on est membre de l'Union des consommateurs. Il y a deux regroupements au Québec. L'autre étant la coalition des associations de consommateurs, mais nous, on est membre de l'Union. Oui. Que veut dire ACIF en passant? ACIF, c'est l'Association coopérative d'économie familiale. C'est ah, plus oui, un terme voilà, familier oui. aujourd'hui, oui, moins oui, à la mode, mais ça fait bien des années que ça existe. Ouais, certains ACIF ont plus de 40 ans. Je ne révélerai pas mon âge, mais effectivement, il y a 18 mois, au cœur du printemps érable, vous avez publié avec 39 de vos collègues une lettre dans laquelle on lit ce qui suit. Là, je vais prendre une citation de cette lettre. Dans le débat faisant rage actuellement sur la fameuse juste part, nous ne pouvons rester indifférents. Ça fait des années que nous réclamons aussi que tous fassent leur juste part. Enfin, le sujet est sur la table. Parlez-nous des limites de vos interventions sur le terrain, justement. Bien, c'est sûr que nous, une des frustrations qu'on a, c'est parce que quand on voit les gens, ça donne une vision. On peut pas être indifférent quand on fait les budgets des gens aux politiques des gouvernements et l'impact que ça a sur leur budget. Dans ce cadre-là, ça, c'était justement pendant, comme vous l'avez mentionné, là, une lettre qu'on avait appuyée au mouvement étudiant dans le cadre du printemps érable. En fait, on disait aux étudiants, faites leur juste part, mais nous, on disait, la juste part est aussi ailleurs sur le fait que les grandes entreprises particulièrement payent à peu près beaucoup moins d'impôts que les particuliers, et en proportion avec les années, ça s'est élargi, cette proportion-là. Oui. Donc, nous, on voulait vraiment dire, là, ce qu'on voit, nous, c'est que les impacts des politiques des gouvernements depuis au moins 10 ans, sinon plus, affectent spécifiquement les gens de la classe faible de revenu et une bonne partie de la classe moyenne, là, que j'appellerais. Oui, vous pouvez pas. Finalement, il y a de plus en plus de gens qui ont des besoins et vous n'êtes pas en mesure d'intervenir pour aider tous ces gens-là, c'est ça que Non, c'est ça, exactement. C'est sûr que budget individuel, de seulement uniquement le budget, il y a une limite qui est frappée à un moment donné, ce qui cause beaucoup de problèmes d'endettement. On le voit, par exemple, les statistiques d'année en année montent sur l'endettement des gens. C'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs à ça, mais il faut considérer l'impact des politiques gouvernementales comme étant un de ces facteurs-là. Dans la même lettre, d'ailleurs, vous écrivez « Nous avons activement participé à l'élaboration d'alternatives fiscales qui permettraient de récolter plusieurs milliards de dollars pour le gouvernement, donc pour nous tous, sans recourir à la privatisation et la tarification de nos services publics. Alternatives, d'ailleurs, qui sont disponibles à l'adresse www.nonauhaus, au pluriel, auhauses.org. Donc, pour vous, la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, c'est un outil de plus pour défendre les droits des consommateurs? Oui, la coalition regroupant beaucoup de groupes de divers horizons, pour nous, c'est sûr que ça augmente notre force d'être avec d'autres organismes. L'Union des consommateurs regroupait environ 11 ou 12 organismes. Là, on est en lien avec d'autres regroupements qui amènent des fois aussi leur vision de faire les choses. Fait qu'il faut en tenir compte. Et ça renforce aussi toute notre opinion. Donc, ça l'amène. Nous, ça nous permet de discuter avec ces groupes-là, faire voir notre point de vue. Et parfois, justement, ils disent que c'est intéressant, ils veulent appuyer. Et inversement, nous, c'est un canal par lequel on peut appuyer d'autres luttes qui sont toutes souvent interreliées une à l'autre, dans le fond. Oui, vous en parliez tantôt, justement. Il y a une limite à l'intervention uniquement sur un aspect des choses. Ça permet aux organismes œuvrant sur différents angles, finalement, de partager leurs expériences, puis d'améliorer, finalement. Toute la discussion sur la tarification et la privatisation des services publics, ça touche à peu près tous les organismes sociaux d'une façon ou d'une autre. Donc, en se mettant en commun, ça augmente notre force, puis notre cohésion, puis aussi toute l'expertise qu'il peut y avoir finalement de différentes raisons. Oui, d'ailleurs, on peut lire sur le site nonauhaus.org que la coalition est née en 2009 justement en réaction à un concept d'utilisateur-payeur qui était cher au gouvernement Charré à l'époque. Je lis qu'elle regroupe plus de 85 groupes sociaux d'horizons divers. Je me trompe? Oui, c'est 85 ou 86 actuellement. Oui, c'est pas mal ça. Et tu commençais un peu à aborder la question, mais qu'est-ce que vous faites au juste? Qu'est-ce que la coalition fait au juste concrètement? Ben, la coalition se concentre sur, je dirais, deux grands axes. Là. C'est un regroupement qui vise à mobiliser les gens. Il s'est organisé au travers des années plusieurs manifestations, pétitions, gestes de visibilité pour s'opposer aux politiques gouvernementales. Et c'est aussi un regroupement qui a une visée d'éducation populaire pour les gens. Donc, sur le site, vous pouvez également trouver différentes informations sur les thèmes que la coalition s'est mobilisée ces dernières années. Donc, c'est sûr qu'on parle d'alternatives fiscales. Donc, vous pouvez aller voir les positions et comment elles sont expliquées, comment elles sont défendues, les alternatives fiscales dont on parlait. La même chose sur l'actuelle campagne de cette année, là, sur les hausses de tarifs d'électricité. Donc, vous allez avoir des documents détaillés et qui expliquent bien les positions et pourquoi on prend ces positions-là. Donc, c'est un volet aussi d'éducation auprès de la population, d'informer la population. Je dirais que c'est les deux grands axes de la coalition. Moi, d'ailleurs, j'allais vous demander quels sont les champs d'intervention de cet automne, et je crois bien comprendre que c'est... Est-ce que c'est essentiellement la lutte contre la hausse des tarifs d'électricité? C'est autre chose? Oui, en fait, c'est la lutte qui a été priorisée cette année. C'est sûr qu'à l'origine, la coalition était partie, s'appelait même, je pense, au tout début, coalition Alta Charrette. Donc, c'était effectivement, comme vous l'avez dit, un peu s'opposer à toute cette logique de tarification. Il y avait, ça découle de la politique de M. Bachand en 2010. Donc, il y avait trois grands axes. La hausse des frais de scolarité, la taxe santé et la hausse du tarif patrimonial. Donc, d'électricité. Donc, oui. Ça, cette année, c'est celle d'électricité qui est priorisée à cause des impacts. Là, il y a une très grosse hausse annoncée cette année. Donc, la coalition s'est regroupée pour dire que même si on fait un travail sur l'ensemble, la hausse des tarifs d'électricité est ciblée cette année. Vous le voyez concrètement sur le terrain, l'impact que ça pourrait avoir, cette hausse des tarifs d'électricité, n'est-ce pas? Oui, on la voit beaucoup. C'est énorme parce que affecté à tout le monde. Puis ce qui est injuste, c'est que si on peut dire là, c'est 6% qui est annoncé, mais c'est inégalement réparti, ce 6 %-là. C'est-à-dire que, et ça n'a pas nécessairement par rapport aux revenus, c'est ça qui est très fâchant. C'est-à-dire qu'un locataire qui reste dans un, qui n'a pas beaucoup de revenus, qui reste dans un logement mal isolé, mal chauffé, un chauffage déficient avec des appareils qui sont désuets un peu, va voir sa facture augmenter plus que de 6 %, contrairement à quelqu'un, peut-être un propriétaire qui a mis en place plusieurs mesures d'efficacité énergétique qui fait en sorte qu'il va peut-être mieux contrôler cette hausse-là. Ça, c'est un peu complexe, mais c'est pour dire que cette hausse-là nous apparaît, c'est pas juste 6 % à tout le monde, là. Ça va être inévitable, oui. Ça va peut-être toucher beaucoup des gens à faible revenu plus que d'autres à certains endroits. Ouais, c'est important ce que vous avez souligné, parce qu'on a parlé justement avec Evelyne Couturier de l'IRIS il y a deux émissions, je crois. On a parlé de cette question des tarifs. Bon, le bloc patrimonial, les gens pourront réécouter cette émission-là pour comprendre cette notion-là, mais elle soulignait aussi effectivement que les gens habituellement qui ont moins de revenus vivent dans des logements qui sont moins bien isolés, donc la consommation d'électricité... Augmente. C'est ça exactement. Donc, ça a le plus d'impact pour ces gens-là. Oui, effectivement. Oui. Il y a une action qui s'en vient bientôt, si j'ai bien compris. Oui, en fait, il va y en avoir plusieurs, mais parce que, bon, il y a une action principale qui va être le 3 décembre prochain. Oui. Donc, une manifestation qui va avoir lieu à Montréal, devant les bureaux du Sceau-Québec. Ça, c'est déjà annoncé. Ça, c'est une action de plus grande envergure. Donc, on vise quand même une assez bonne participation autant que possible. Et on va aussi, mais ça va être moins nombreux, mais on tient quand même à être présent lors de la première journée des audiences de la régie d'énergie qui vont entendre la cause d'augmentation des tarifs. Même si c'est avec les politiques gouvernementales déjà un peu décidées à l'avance, je dirais, mais on va quand même inciter pour faire valoir qu'on est contre les hausses à ce moment-là. Donc, il va y avoir aussi une petite action le 6 décembre. Oui. Il va en avoir d'autres après les fêtes aussi, c'est sûr. On parle de possibles élections au mois de février ou mars. C'est sûr qu'on va s'assurer d'être présent lors de la campagne électorale si elle est déclenchée. Et il y a aussi sur le site de Non aux hausses, c'est les gens qui peuvent pas venir parce qu'ils sont pris quelque part lors des événements que je viens de mentionner, la possibilité de dire qu'ils sont contre les hausses en allant chercher des outils, des affiches qu'ils peuvent mettre à leur fenêtre pour dire qu'ils s'opposent aux hausses de tarifs, entre autres. Vous pouvez aller voir ça sur le site Non aux hausses. Oui. Peut-être en profiter en passant pour souligner, je suis sûr que ça va vous aussi vous intéresser, là, une autre manifestation qui est le 27 novembre à Ottawa, là, du Frappru, logements sociaux à protéger. Ça va vous préoccuper aussi, hein, le fait que Ottawa met moins d'argent dans le logement social, j'imagine? Oui, effectivement, c'est préoccupant parce que, puis en plus, là, ce qui est en jeu, c'est non pas seulement le développement de nouveaux logements sociaux qui est un manque criant actuellement, mais si je me rappelle bien, la manif du 27 vise aussi à protéger les logements déjà existants parce que le fédéral veut maintenant retirer son financement du soutien aux habitations, que c'est particulièrement les logements subventionnés en coopérative d'habitation. Ça pourrait compromettre plusieurs coopératives existantes actuellement. Donc, c'est vraiment un dossier là, que le Frappru défend, qu'on est. Puis nous, c'est énorme parce que ces gens-là, ça l'aidait, entre autres, à faire un budget, d'avoir des logements à prix plus raisonnables. Maintenant, si le gouvernement en sortir là-dessus, ils vont avoir aussi un impact des HLM un peu différent, mais dans les coopératives d'habitation, on risque d'avoir plein de gens qui vont devoir quitter la coopérative parce qu'ils n'auront plus les moyens de se payer ces logements-là. Mais oui, c'est énorme. Énorme. J'ai moi-même vécu dans une coop d'habitation il y a quand même plusieurs années de cela, puis j'aimais beaucoup cette formule-là. Moi, je payais le plein prix, mais il y avait des gens qui avaient des loyers adaptés à leurs revenus. C'était génial. Ça permettait à des gens de différents niveaux, différents classe sociale de cohabiter ensemble. C'est, oui. Là, on a tendance à vouloir isoler les gens les uns des autres. C'est vraiment pas bon pour la société, ça. Effectivement. Ça donne rien de bon. Dans le fond, nous, ce qu'on voit souvent, quand on parle de quartier, en même temps, ça améliore les quartiers, mais on voit que les gens... La pauvreté s'étend, s'en va à l'extérieur, s'en va dans des ghettos qu'on parle, qu'on voit. En fait, on la cache tranquillement, pas vite. Moi, je dis souvent ça. Puis on l'envoie vers l'extérieur, mais donc c'est ça. Mais plus loin sur l'île, aujourd'hui, la pauvreté à Montréal n'a rien à voir avec les quartiers centraux comme on a connue il y a 25-30 ans. Donc, elle est plus à l'extérieur. Il y a même des quartiers maintenant de Laval qui sont assez à faible revenu de gens démunis. Donc, on la voit s'éparpiller, puis comme un peu cachée, puis dans des zones concentrées qu'on parle pas trop souvent. Bien, merci beaucoup, Monsieur Lafrenière. On peut retrouver la liste des ACEF en passant à l'adresse www.consommateur.qc.ca/associ.htm. Je vais rappeler aussi l'adresse du site de la Coalition opposée à la tarification de la privatisation des services publics, non au AUSSE, AUXHAUSSE.org. Merci et souhaitons-nous la meilleure des chances pour l'avenir. Je vous remercie également. Au revoir. OK, bonjour. Donc, Monsieur Lafrenière, M. Sylvain Lafrenière, conseiller budgétaire à l'ACEF du Nord de Montréal. On écoute notre ami Stephen Faulkner de bord en bord de la semaine. J'ai un trou dans mon soulier, par où je peux voir un coin du ciel passer, de bord en bord de la semelle. Un grand trou bleu, un grand trou sans fond, qui me rend heureux quand ça tourne pas rond dans ma tête. Un goulot de bouteille, une vieille paire de bas, par où me sort la grosse orteille, faudrait bien que je m'assoie. Je me raccommode avec un bout de laine, une aiguille à pick-up, puis pour apiécer ma peine, un blues, une complainte qui sort par le trou de ma guitare. On a tout un trou quelque part dans nos poches, pour y perdre un bout de nos petites vies croches. Un trou qui nous ramasse quand le reste nous dépasse. Un trou du cul ou bien un trou d'amour, sur le coin d'une rue, un troubadour, une complainte qui sort par le trou de sa guitare. Stephen Faulkner, de bord en bord de la semelle. Vous étiez installé à votre table avec un papier, un crayon, et vous vous disiez, merde, j'ai pas le temps de prendre les adresses web, les adresses internet qu'elle nous donne. Eh bien, rassurez-vous, vous pouvez vous rendre cet après-midi, vers la fin de l'après-midi, sur notre blog, legraindesableqc.org, legraindesable en un seul mot, qc.org. Toutes ces adresses vont s'y retrouver. On passe maintenant à la partie à surveiller cette semaine de notre émission. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec-Chaudière-Appalaches à l'adresse www.réseauforum.org/grille-calendrier. Et si vous vous rendez sur cette adresse www.réseauforum.org, vous allez avoir accès facilement au calendrier. Si vous vous rendez sur cette adresse, moi, je vous invite à soutenir le réseau du Forum social de Québec-Chaudière-Appalaches. Un petit don, ça fait pas de mal à personne. Et eux, ça leur permet d'avoir l'argent qu'il faut pour faire, finalement, il faut héberger ce site-là, il faut payer des frais minimaux qu'il faut payer. Alors, ça les aide à maintenir ce calendrier qui est une mine de renseignements très utile. Commençons justement par le 25 novembre à 18h30 à l'Université Laval à la salle de Coninck, 1B du pavillon Charles de Coninck. Ça, c'est au 1030 Avenue des Sciences Humaines, une activité qui s'appelle la corruption aux sciences philosophiques avec Alain Deneau. Alain Deneau, vous savez, c'est cet auteur de Noir Canada et de d'autres ouvrages. Bon, je cite Noir Canada parce qu'il est célèbre pour avoir été fait l'objet d'une poursuite Bayon, qu'on appelle. Donc, il est docteur en philosophie de l'Université Paris 8 et il enseigne la pensée critique en sciences politiques à l'Université de Montréal et la sociologie à l'Université du Québec à Montréal, Alain Deneau. Il est, je vous le dis, il est auteur de Noir Canada, c'est la éco-société Noir Canada. Il va donc nous entretenir de cette question de corruption aux sciences philosophiques. C'est une activité organisée par Québec solidaire, Université Laval. J'en ai parlé tantôt, logements sociaux à protéger, c'est une manif du Frappru à Ottawa. Il y a un autobus qui part de Québec, de Montréal et d'autres villes, peu importe d'où vous nous écoutez présentement au Québec. Là, vous pouvez vous rendre sur le site du Frappru et vous allez sûrement trouver facilement s'il y a un autobus qui part de votre ville. En tout cas, de Québec, je n'ai pas l'heure, je m'en excuse. Oui, c'est à 13h devant les... je n'ai pas l'heure de Québec, je m'en excuse. Mais rendez-vous sur le site du Frappru, vous allez trouver, ça doit être aux alentours de 13h le départ, ou peut-être un peu plus tôt. À moins d'un changement de cap, le Canada mettra un terme aux subventions qu'il verse annuellement pour les logements sociaux qu'il a contribué à réaliser avant 1994. On en parlait avec M. Lafrenière tantôt. Cette aide sert essentiellement à réduire les loyers des ménages sociaux à faible revenu. Cela concerne quelques 127 000 logements coopératifs, c'est quand même pas rien. Sans but lucratif et H&M au Québec, c'est-à-dire 85 % du parc québécois. Pour tout le Canada, on parle de 600 000 logements et d'un budget total de 1,7 milliard de dollars. Rendez-vous donc sur... j'ai une adresse à vous donner. Vous vous rendez sur media.reseauforum.org, vous faites node 7844 et vous allez avoir toute l'information sur à quel moment va partir l'autobus, comment s'y rendre, etc. Eldorado, péril environnemental, l'exploration pétrolière dans le golfe du Saint-Laurent. Ça, c'est le 27 novembre à 19h15. C'est à la salle Michel Jourdan, au 325 du centre, au 870 salle Albéry à Québec. 325, c'est le numéro de la salle du centre Frédéric Bach. Conférencier Sylvain Archambault, qui est détenteur d'une maîtrise en biologie à l'Université du Québec à Montréal. Il a cofondé la coalition Saint-Laurent à l'été 2010 et il a depuis développé une expertise unique sur la question des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Ça, c'est organisé en partenariat avec Nature Québec, qui est membre de la coalition Saint-Laurent. Une contribution volontaire de 2 à 5 $ qui est demandée. 28 novembre, 11h. Débat autour de l'ouvrage The Making of the Tunisian Revolution. C'est à l'Université Laval, c'est à la salle 24-13 du pavillon Charles de Coninck. The Making of the Tunisian Revolution, c'est un ouvrage qui a été publié par Francisco Cavatorta, qui est professeur au département de sciences politiques. Qui a été publié par Nuri Gana. Francisco Cavatorta, il est professeur au département de sciences politiques. C'est lui qui va présenter cet ouvrage de Nuri Gana. Monsieur Cavatorta publie un chapitre de cet ouvrage. Dans un premier temps, il va débattre avec un de ses collègues de certains axes de l'ouvrage, puis la discussion va être ouverte avec la salle. Alors, ça va être intéressant, ça, c'est toute la question du printemps arabe derrière cette question de la Tunisie en particulier. Québécoisie, sortie du film avec les réalisateurs et réalisatrices, ça c'est le 29 novembre 2013, c'est au Cinéma Cartier, au 10-19 de l'avenue Cartier à Québec. L'heure exacte va être annoncée probablement dans le courant de la semaine. avant le 29, évidemment. Le film va être projeté à plusieurs endroits à travers le Québec. Après sa sortie aux rencontres internationales du documentaire de Montréal, le long métrage documentaire québécoisie de Mélanie Carrier et Olivier Higgins prend le chemin du grand écran du 29 novembre au 9 janvier. C'est au Cinéma Cartier à Québec. Les réalisateurs vont être sur place non seulement le 29, mais le 30 novembre aussi pour s'entretenir avec le public suite à la projection. Alors, toute une description du film, c'est en enfourchant leur vélo en direction de la Côte-Nord et en multipliant les rencontres spontanées comme programme que les deux réalisateurs ont voulu mieux comprendre les relations complexes entre les Autochtones et les non-Autochtones. Avec des propos de Serge Bouchard et de Pierre Ross Tremblay, Québécoisie nous transporte de la route 138 à la Normandie, en passant par Oka et Kanesatake, sur les chemins parfois tortueux du mieux vivre ensemble. Le duo réalisateur, parlons un peu d'Olivier Higgins et Mélanie Carrier, ils sont tous donnés à Québec, ici à Québec. Leur premier film, Asiemut, relatif à la traversée de 8000 km à vélo de la Mongolie à l'Inde. Il a remporté 35 prix à travers le monde. En 2010, ils ont fondé Mo Film et une boîte de production dédiée aux documentaires basée à Québec. Leur second film, Rencontre, est sélectionné par la National Geographic Society et il a remporté plusieurs prix à l'étranger. Zone de gratuité, troc d'objets pouvant servir de cadeaux. Ça, c'est le 29 novembre de 19h15 à 22h. C'est au Centre culturel et environnemental Frédéric Bach, que je l'ai dit tantôt, l'adresse, je la répète, 870 de Salaberry à Québec. C'est à l'approche des fêtes et c'est en lien avec la journée sans achat. Apportez des objets à donner en bon état et facilement transportables qui pourraient servir de cadeaux de Noël. Vous repartirez sans doute avec un ou des cadeaux pour vous et vos proches sans qu'il vous en coûte un sou. D'ici là, accumulez dans un coin vos objets à donner. Ça, c'est organisé par le groupe de simplicité volontaire de Québec. D'ailleurs, il y a l'émission En toute simplicité à CKRL le vendredi. Rendez-vous sur le site de CKRL, vous allez voir l'heure exacte de cette émission. Le mot de la fin, j'aimerais remercier M. Papillon Darvaux. On a pu discuter avec lui de développement international, un peu de ce qui s'en vient. Ce n'est pas rose de ce côté-là. Souhaitons qu'il y ait une solution qui soit trouvée du côté du Québec, parce qu'Ottawa se désengage de plus en plus. On a discuté aussi avec M. Sylvain Lafrenière. Là aussi, hélas, ce n'est pas rose parce que les gouvernements se désengagent, les gouvernements de plus en plus tarifs, les services publics de plus en plus privatisent. Et donc, il nous a parlé aussi de la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics. On les remercie beaucoup. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le Grain de Sable, et vous aurez de l'accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Elle est disponible aussi sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Vous allez trouver tous les détails de nos diverses campagnes sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez trouver les enregistrements, mais aussi les sites qu'on a mentionnés aujourd'hui sur notre blog, le grain de sable en un seul mot, qc.org. Vous pouvez nous écrire aussi, à l'adresse le grain de sable en un seul mot, @yahoo. On a une page Facebook. Vous vous rendez sur Facebook, si vous êtes membre de Facebook. Même si vous n'êtes pas membre, vous rendez sur Facebook, vous cherchez Le Grain de Sable sur CKRL. Vous allez trouver notre page Facebook. On a aussi un compte Twitter, @grain de sable QC. Il n'y a pas de le. @grain de sable QC. Et je vous remercie beaucoup de votre attention cette semaine et je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encourager et supporter les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. Précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares.